Miloche, par Ovid Blondel, lu par l'auteur. Je m'appelle Miloche, je suis sculpteur sur marbre. Je fais des formes ovales aux reliefs adoucis, aux ondulations tranquilles. Mes amis me disent qu'elles ressemblent à des nuages. J'aime travailler mes marbres jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement polis. J'habite une petite maison entourée d'un jardin. J'ai 84 vélos. Parce que je vais vivre jusqu'à 84 ans. Je les entrepose dans la grange à côté de la maison. Mes bicyclettes sont anciennes, parfois rouillées, toujours hors du temps. J'aime leurs formes et leurs défauts. Je les trouve très belles, sans exception. Elles ne sont pas tout à fait du goût de Lolek et d'Anka qui me charrient en assurant que mes vélos, au moins, on ne risque pas de me les voler. D'après eux, je serais nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue. Je dois avouer qu'il y a un fond de vérité dans leur dire. J'ai réfléchi à la question pour en conclure qu'il doit s'agir d'un mécanisme psychologique auquel j'ai trouvé mille raisons cohérentes, autant d'interprétations merveilleuses de sagacité et que j'appelle, pour simplifier, ma nature. À la vue des gens de mon siècle, je me sens oppressé, comme agressé par le simple fait de leur présence. Je ne suis jamais parvenu à trouver ma place dans ce monde. Une question d'époque, sûrement. En regardant les photographies noires et blancs, j'éprouve un bonheur diffus, rassurant, et je crois que mes vélos de notre âge m'aident à me transporter dans le passé. Inconfortablement assis sur mes selles de cuir, j'ai l'impression d'être un élément du décor des anciennes cartes postales au dos desquelles on écrivait à l'encre violette. Pourtant, quand je prends le temps d'y songer, je sais que si j'avais vécu à l'époque de ces photos, j'aurais sûrement été malheureux de n'avoir pas connu les paysages et les gens d'avant, ceux des premiers daguerréotypes. J'aurais alors, peut-être, collectionné les draisiennes. Lolek et Danka me suggèrent souvent d'arrêter de vivre dans le passé. Je les entends, mais j'ignore comment faire. Voir les gens de mon siècle, ça me tue. Je possède déjà les clés de ma maison, de ma grange, des antivols de mes vélos. Cela commence à faire beaucoup. Je n'ai plus la place sur mon présentoir en bois avec des crochets, celui d'à côté de la porte, pour suspendre la clé qui m'ouvrirait un peu plus sur mes contemporains. On dit bien qu'il faut de tout pour faire un monde, non? Alors admettons que je fais partie de ce tout, à ma manière. Et puis, je ne trouble pas l'ordre public, je ne vis pas au crochet de la société, je reste dans mon coin, dans ma tête, dans ma modeste maison, un peu jaunie peut-être. Il me semble même que je ne fais de tort à personne. Mais je me disperse, c'est mon défaut. Revenons au tableau des lieux que j'habite. Ma maison. Avant toute chose, je voudrais m'attaquer à une description très précise de ma maison. Elle se compose d'une cuisine, d'un salon et de deux chambres. Une pour moi, une autre parce qu'elle a toujours été là. À côté de ma chambre se trouve une salle d'eau avec une baignoire, un lavabo, un cabinet de toilette. J'ai l'électricité et l'eau courante, le gaz à tous les étages. D'ailleurs, ma maison est de plein pied, comme ils disent dans les annonces. J'ai déjà parlé de ma grange. Grande, remplie de vélos, elle est accolée à mon habitation. Mon terrain mesure environ 15 mètres sur 20 sur le devant de la maison, qu'il contourne en adoptant la forme de deux allées étroites, pour se terminer par une langue de terre d'environ 3 mètres sur 15, à l'arrière. J'ai aménagé le grand lopin en jardin potager qu'une allée de pierres plates divise en deux, courant du portail jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai construite moi-même pour pouvoir partir à vélo et revenir sans écraser mes courgettes innocentes ni rentrer de la terre dans la maison, car je considère le balayage comme une perte de temps considérable. Bien que j'habite à l'écart de la ville, j'ai tout de même des voisins. Je les connais peu, grâce à mes refus répétés aux invitations qu'ils m'ont lancées pour des apéritifs, des barbecues et tout ce genre de choses à caractère social. De mon côté, je ne les ai jamais conviés à quoi que ce soit. On est presque tous condamnés à avoir des voisins car la terre est très peuplée. Mais on n'est heureusement pas tenu d'entretenir des relations très poussées avec eux. Il n'y a par bonheur encore aucune loi qui oblige à cela. Je les salue de la main quand je les croise, je reste courtois avec eux. Je les appelle voisins ou voisines sans chercher à connaître leur prénom pour ne pas m'exposer aux détails affectifs. L'un d'eux est d'un naturel très bavard. Aussi, dans ses primitives tentatives de rapprochement, Je me suis toujours éclipsé pendant nos conversations qui prenaient de toute façon, que je sois présent ou non, la forme de monologue. Malgré ma discrétion, j'ai la nette impression qu'il a fini par comprendre mon manque d'intérêt pour son babil. Il répond maintenant à mes saluts de loin, d'un petit signe de main estompé, sans me jeter un regard. Ce n'est pas plus mal. Les rares voisins ayant résisté à mon peu de mondanité se sont pour la plupart départis de leur affabilité naturelle et tenace le jour où j'ai aménagé un petit enclos rectangulaire derrière la maison afin d'y héberger des poules et un coq. Les poules passent encore, mais le coq leur pose un gros problème. Je me serais moi aussi passé de lui, car, comme ses compatriotes, il chante dès le lever du soleil, et d'ailleurs aussi souvent que cela lui plaît, tout au long de la journée. Quand je rentre au milieu de la nuit, pour diverses raisons que j'exposerai plus tard, je voudrais qu'il m'accompagne dans ma grasse matinée, mais croyez-moi ou non, je n'ai trouvé aucun moyen de le raisonner. Il chante invariablement dès les premières lueurs de l'aube, de toute la puissance de son gosier. Très souvent, cependant, je parviens à me rendormir. Quand le tapage vient de chez soi, en effet, on l'accepte plus facilement. De temps à autre, je me demande si j'ai pris un coq pour moi ou pour les voisins, l'esprit empruntant parfois des chemins tortueux pour ne pas se faire remarquer.